Restitution des pièces d'écoute. Créer son. École d'hiver 2020. Après 5 jours intensifs à monter des murs, percer des trous, intégrer la théorie sur le son, les participants présentent les 3 dispositifs sonores qu'ils ont construits dans la salle d'expo de l'école d'architecture de Grenoble. Donc, bravo, bravo, je vous félicite tous, j'ai envie d'applaudir, voilà. Rappelons que l'enjeu de pièce d'écoute, c'est ce que l'on entend et où on l'entend. Nous entrons dans un petit sas où nous traversons un passage molletonné aux murs inclinés recouverts de laine d'isolation métisse grise, nous menant vers les autres pièces. Le mur montant. Première pièce, passage, massage. Je ne sais plus comment l'appeler, le seuil, l'entrée, vous l'avez appelé ? Le passage, le massage. Le massage, massage. Massage, passage. Explain the sounds that are played right at the beginning. Yeah. There's a number of different sounds that you start off with. Yes. Want to explain that? The recording outside is having the sensation or the experience for every one of us of the meaning of the sound to him with different languages. And how the sound is a meaning, a sensation, a feel, and how the wall responds to the person in different sound and sensation and feeling to each one and to the body and to the comfort points for the body. Yeah, cinq différentes langues que vous avez utilisées. Yes, different languages. Tirées des personnes ici. Yes. Yes. Arabic, Russian, French, English. There was a Taiwan, yeah. German, and Russian. Présentation des constructeurs, concepteurs de Passage Massage. Bon, je m'appelle Léna, je suis architecte et metteuse en scène. Et pour moi, ce travail de son était vraiment très enrichissant au niveau de trouver au corps en fait, un son. Parce qu'on est parti de l'idée de faire un espace massage, donc d'avoir ce côté tactile entre la matière et le corps, et d'avoir cette friction. Cette friction-là, qu'on a essayé de trouver un son pour cette friction, et tout en cherchant le confort du corps, donc tout en cherchant des points de contact avec la surface et le corps qui se sent confortable avec le temps. Bonjour, je m'appelle Nouria, je suis architecte aussi. Je fais un doctorat cette année, c'est mon première année de doctorat à Cresson. Bon, voilà, moi j'atterris dans l'univers sonore, pas dans les ambiances, mais dans le son plus particulièrement, c'est un atterrissage. Et du coup, pour cet espace, moi j'y allais un peu avec l'idée de créer quelque chose où le son, ce n'était pas le début de la question, c'était peut-être bouger le corps pour que le corps fasse du son avec l'installation qu'on allait créer. Du coup, ça veut dire pas du coup du son qui venait des enceintes. C'était pas ça l'idée avec laquelle je venais. Peut-être au fait de créer un mur tactile qui invite le corps à se frotter. C'est pour ça qu'on a fait des parois qui se serrent pour obliger un peu le corps, parce que parfois on regarde de loin, mais on n'ose pas toucher. Ici, on essayait de aller, vas-y, touche les parois. Et voilà. Moi, c'est Kieran Lelièvre. Je suis venu là parce que, je suis encore en école d'architecture, je suis encore étudiant, je suis en cinquième année, la dernière. Et justement, la question du sonore, elle vient du fait que j'ai fait de la musique avant, je suis également musicien, j'ai fait le conservatoire. Et naturellement, quand j'ai commencé l'architecture, la musique, ça s'est déporté vers l'acoustique. Mais ce que je voulais voir, c'était un peu le milieu. C'est pas toujours évident de rencontrer des gens qui sont portés par l'univers sonore. Et donc, du coup, d'être là-dedans, de faire des workshops, de compléter les compétences avec tout le monde, de voir les différents univers se croiser. Puis l'architecture est un très bon médiateur pour ça, en plus. Donc justement, au travers des formes, des effets qu'on produit, de ce qu'on veut dire, de ce qu'on communique, des cultures aussi, comment elles se croisent, et comment tout ça rentre en jeu, et puis ça se formalise au fur et à mesure des jours en projet. I'm Maya. I'm an architect and a dancer, ballet dancer. I was a pre-dancer in Cairo Opera House and now in Conservatoire à Paris. I've just started my PhD study in Cresson. I'm very interested in the way of movement of the body in different designs and how design affords the different movements, patterns and gesture. Après, je crois que quand on rentre, toute cette masse de laine fait que le son s'assourdit. Et ce qu'on voulait en fait en fermant le passage, c'est que du coup le corps ça s'approche à la laine. Et dans la laine, parfois il y a des bruitages aussi, parce qu'on a mis du papier qui est frissé. Du coup, quand on la touche, on peut. Voilà. Ça, on est un groupe de 5 personnes qui, tout le monde a lancé ses idées, donc ça explose. On a l'idée, en fait, on a enregistré le son du décollage d'un avion. Et alors, on a essayé de sentir le seuil à un moment où l'avion décolle du sol. On sent vraiment qu'on n'est plus sur la surface, plus de contact avec le sol. Et là, on voulait créer une rampe. On n'avait pas beaucoup de temps pour la réaliser, mais ça reste dans l'esprit. Il y avait énormément de pans inclinés. Là, on a des matériaux très fragiles, frustes, pas chers, et peu de temps. Donc il faut être aussi. C'est pas fait. Voilà, il faut être à la mesure de ses moyens. Création, école d'hiver 2020. Deuxième pièce. Une installation 3 en 1. Les assises, qui sont à la fois aériennes et solidiennes. Assis debout. Trois expériences d'écoute différentes. On a travaillé sur une asymétrie de l'ensemble. L'idée, c'était de travailler déjà avec des sons in situ. Donc tout a été enregistré dans l'école, un peu autour de l'école. Il y a aussi des sons de la construction même du pavillon, en référence à la sculpture de Robert Morris. On peut expérimenter trois postures d'écoute différentes. Une monophonique, plutôt assise. Il y a une alcôve où on est plutôt debout avec une écoute stéréophonique. Et sur le banc et la paroi au fond, on propose une écoute solidienne, donc avec des transducteurs qui font vibrer le banc et la paroi sur laquelle on s'adosse. Ça peut être bon aussi. Voilà. Tu sens dans le dos les vibrations. Oui, on sent les vibrations de plutôt. Ça marche avec des micros solidia, des transducteurs qui font vibrer les parois en fait. Je sais pas si tu connais le principe. Non. Tu vois, dans le parleur normal, il y a une membrane qui fait vibrer l'air. Ouais. Et en fait, ces transducteurs, là, c'est des parleurs sans membrane. Et ça, c'est en posant sur un objet que cet objet-là va vibrer et faire la membrane. Mais ça fonctionne comme un membrane. Bah, non, justement, il n'y a pas de membrane. Ouais, c'est mais l'objet. L'objet devient la membrane de, qui diffuse le son. D'accord. C'est fou. Non, je ne connaissais pas ça. Et c'est pour ça que là, dans la paroi, derrière, tu sens les vibrations directement dans ton dos. Parce que c'est la paroi qui vibre. Qui est faite vibrante par le transducteur. Ça donne une écoute corporelle presque. Je pense que la composition aussi évolue, donc peut-être qu'il faut revenir parfois un peu plus tard pour voir ce qui. Puis avec aussi, je pense, une idée d'alcôve qu'on a recherché, peut-être aussi pour avoir une dichotomie complète entre le sens visuel et le sens sonore. Voilà, là on entend le. L'ambiance du chantier. Le moment où on découpait ces planches. Et là, alors, dans l'équipe, vous pouvez peut-être vous présenter. Moi, je m'appelle Sanson, Sansonquigno, et je suis artiste, surtout dans la performance, et performance sonore. Moi, c'est Jules Valentin Boucher, architecte et musicien. Je travaille à Paris. Bonjour, Julien Grange, technicien en informatique musicale et compositeur. Moi, c'est Samuel Chabert. Je viens de finir des études de conception sonore pour le théâtre à l'ANSAT à Lyon. Bonjour, je m'appelle Pang Huayan et je viens de Taïwan. Je suis sound designer et musicienne. David Ho se montre toujours très curieux par la démarche des créateurs sonores. C'est quoi la prochaine étape pour la sonification de notre existence? Bonne question. Je ne sais pas du tout. En tout cas, il y a peut-être une quatrième expérience qui est le mix des trois dans ce pavillon-là. Mais Il y avait aussi une composition, si je ne dis pas de bêtises, avec donc ceux qui ont vraiment géré le son, pour avoir un parcours sonore où il y a les sons qui s'alternent. En fait, on est vraiment, on continue sur les trois. Et justement, avec des pistes musique audio. En fait, ça vient alterner et ça permet de créer des expériences complètement différentes, d'entendre peut-être le son ou non, si on est assis mais ouvert sur l'extérieur. Ici, on a appelé ça la douche sonore parce que justement, on reste debout, mais on est pris complètement immergé dans le son avec un duo. Donc, il se passe, on ne sait plus trop où on est, il y a une perte. On perd un peu de repères des fois dedans. Et ici, c'est encore différent avec le solidien. C'est vraiment une expérience plus tactile et sonore. Créer son, école d'hiver 2020. Troisième pièce. Le balcon. Elle consiste en un étroit corridor sombre au plafond bas, débouchant sur un balcon fictif d'où le vent et les sons extérieurs de la ville apportent une sensation d'ouverture à ciel ouvert, avec le son des voitures, de la circulation et un ventilateur apportant de la fraîcheur aux visiteurs. Thank you. Tu vois ce qui se passe en face. T'as la lumière dans la transmission, c'est pas trop. On l'a fait très léger. Et en plus, il y a le sol qui met pas, en fait, qui permet pas. Si c'était en bois ou c'était. C'est ça, avec les voix, ça marche. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, le virage, il est hyper oppressant parce que ça t'isole au niveau du haut du corps. Mais après, dès que tu passes là, t'as l'appel d'air déjà du bas. Ouais, c'est ça. Mais t'as pas de sens, au moins l'avantage tu le fais plusieurs fois, il n'y a pas d'endroit où d'envers. Il y a son au sol qui te dit. Ouais. Nous sommes au balcon de Samuel, puisque Samuel a eu l'idée de parler de trompe-l'oreille il y a quelques jours, donc on trouvait ça très bien comme terme. Donc nous avons cherché à tromper l'oreille avec un balcon. Et donc l'idée c'est de rentrer déjà dans la première alcôve, qui est assez sombre mais qui invite en fait à s'asseoir en proposant deux types d'assises, une plus surélevée qui donne encore à s'ouvrir vers la pièce et les autres pièces sonores qu'on peut entendre. Et après quand on va donc sur la gauche et qu'on passe dans ce seuil là complètement isolé, il y a une sorte d'oppression qu'on ressent avec toute la laine, et dès qu'on arrive de l'autre côté on a le balcon qui surgit avec le son et on est attiré vers la lumière et l'air aussi qui est diffusé là-bas. Et donc l'idée c'est de créer un balcon avec une ouverture virtuelle, puisqu'il y a quand même ce mur du fond, mais qui essaye de disparaître grâce à la lumière et aux sons qui ont été enregistrés au Togo. Ça. Et donc on a voulu le diffuser vraiment depuis le bas pour avoir cette sensation de surplomb, qui est donc qu'on a suggéré par la lumière, le vent, le balcon auquel on peut s'accouder, et le son qui vient par le bas. Présentation des constructeurs. Bonjour, donc moi je suis Charlotte, je suis architecte et future doctorante au Cresson. Bonjour, Chloé, architecte également et particulièrement intéressée par la question des ambiances sonores et de l'acoustique au sens physique. Voilà. Bonjour, je suis Chris, je travaille avec Son pour Film et je recherche sur question de langue et écouter aux langues et le son. Ouais. Bonjour, moi c'est Alicia, je suis étudiante aux Beaux-Arts de Metz. Moi j'ai fait les animations et les dessins qui sont affichés, donc je travaille le corps et le son comme recherche. Et du coup ici ce qui m'intéressait c'était la construction et comment aussi on peut passer de quelque chose avec des architectes qui est théorique pour penser la chose avant de l'effectuer. Le processus qui passe par dans le travail. Alors là, c'est très important, juste à titre d'information, en art, on fabrique d'abord, on réfléchit après, parce que c'est par le faire que la réflexion vient. C'est vraiment de tradition, et je souligne vraiment que c'est une méthodologie différente, c'est faire recherche par le faire. Alors, moi, c'est Justine, également étudiante à l'ESAL de Metz. Donc dans mon travail, c'est surtout la question générale des échelles et des stratifications. I think I want to add, so I do it in English. Désolé, that we like. Le contraste. Oui. C'est. The piece was like based on our observation of this small space, because when it was empty, it was like very. Pressing feeling, so you have a ceiling, it wouldn't be a space you would normally like to be, you wouldn't like hang out or read a book, but it was somehow, it was like, yeah, some dark tone like to it, and we tried to work with this feeling, and we tried to make it into like a pair of different sensations, so we tried to open it up with this sensation and create an exterior sense. And also, you know that you're inside, and we try to emphasize this feeling of pressure. So there's a bit like wool hidden on the ceiling, so you would feel the dampness, weight. The weight of the room even more. And we try; it's like a bit like this yin and yang sign. So it's like trompe-l'oreille, but like when you're outside, you know that you're still inside. And we try to really work on these contradictions and this ambiguity, so to really like tickle out the. Characteristics of that space, so to speak, yeah. Pour conclure, and for you, this experience was. Mais ça m'a importé d'essayer d'apporter différentes sensations acoustiques Donc on a essayé de travailler sur les contrastes entre l'espace réverbérant et les sensations d'espace et des espaces plus oppressants grâce à une isolation plus présente. Avant, quand on fait son, ça c'est complètement un monde abstrait. Mais ici, j'ai appris de faire des interactions entre le monde concret où on vit avec le monde ancré abstraitement. Là, ça me paraît super intéressant. Comme avant, j'ai fait des sons, bons sons ou des effets sonores pour un jeu vidéo. C'est aussi ancré des sons pour un monde abstrait déjà. Et ça fait vraiment une expérience toute différente que mon expérience avant. So for me, it appears that this workshop was a bit far, but when I started, it was very interesting that I've learned how different design also afford different sounds and how sound affect and both vice versa the design. And for me, this design was very interesting because it affects different types of sensation, touch, smell, and sound, and how different material absorb different frequency of sound, and it replies, it always replies while moving. It always, for me, it's the imagination of between sound, rhythm, pattern, and the movement of body. And this was the starting point for me when we started designing the wall, that it's, and also the sound, the waves, its undulation and its frequency, and it's all about up and downs, and it's all movement, waves, gesture, sensation, it's all waves moving for me. L'apprentissage que j'en ai extrait, c'est voir aussi qu'un espace crée du son et comment en diffusant le son, l'espace qu'on a créé, comment cet espace l'absorbe ou comment à travers du mur ça le fait rebondir. Mais bon, j'étais en train de dire comment je venais et là comment je ressors, je me rends compte. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec les sons en créant cette installation. D'accord. Voilà. Les dispositifs, ils vont rester 15 jours, c'est ça? Oui, oui, c'est tout à fait. Ah, c'est 15 jours de... Moi, je suis persuadé que ça va être comme des espèces de parenthèses, des petits moments d'espace-temps. Parce qu'en fait, l'école, pour les administratifs, pour les enseignants et surtout pour les étudiants, c'est rempli d'activités, c'est rempli d'interactions. Et je trouve que là, il y a une espèce de... En quelques minutes, on a une parenthèse, même pas quelques minutes, quelques secondes. On a une parenthèse pour le corps et qu'en plus, une parenthèse, comment dire, souvent, des fois, les choses sont un peu trop directement thérapeutiques, directement évidentes dans leurs intentions. Là, ce n'est pas le cas. Ça ouvre, en fait, à la création. Et en fait, ça réouvre hein, par le son, par le dispositif, le vent, la lumière. Je trouve qu'en même temps que ça repose, ça réouvre, je trouve, vers on ne sait, enfin, vers ce qu'on a envie, quoi. Et c'est pour ça que les sons, ben c'est, je trouve, ils sont extrêmement bien travaillés tous pour ça, quoi. Parce que ils n'ont pas une sémantique exacte et ne jouent pas non plus sur cette idée du soin, de l'ambiance agréable, pas du tout, quoi. Et au contraire, en fait. Et ça, c'est, moi, je trouve ça formidable. Eh ben merci Bertie, il n'y a plus de questions sur ces mots, on a droit à boire un petit coup.